Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Des habitants de la province de Mwaro se demandent si le président burundais en exercice pourra se faire élire avec la nouvelle constitution en cours d'explication. Dans ce journal, vous entendrez la réponse du premier vice-président de la République qui était sur le lieu ce mercredi. La fixation des barèmes et modalités d'octroi des ordres et frais de mission officiels a été réorganisée. On fait le point dans quelques instants. Dans ce journal encore, vous entendrez le porte-parole de la police qui appelle les domestiques qui auraient été extorqués de l'argent par les agents de la coalition CATED à se confier à elle pour tenter de récupérer l'argent. Et puis, le directeur commercial de l'usine Bousseco qui fabrique le ciment rappelle qu'un sac de 50 kilos coûte 22 500 francs burundais. Ceux qui le vendent à plus sont des spéculateurs qu'il faudrait sanctionner. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La police burundaise appelle les domestiques et toutes les personnes qui auraient été extorquées de l'argent par les agents de la coalition des associations des travailleurs domestiques, CATED en sigle, à se confier aux institutions de la police pour qu'elles les aident à récupérer l'argent. Le porte-parole de ce corps indique que depuis ce mercredi, cette institution a déjà émis un ordre que désormais, aucun agent de la police ne doit plus se joindre aux employés de la CATED dans leurs activités. Suivez Pierre Nguliki qui est joint au téléphone avec Joseph Nsabiyabandi. La police a été au courant de ces informations et immédiatement elle a commencé les enquêtes. Et depuis hier, elle a donné l'ordre à tous les policiers de ne plus ces pratiques pour l'un ou l'autre policier qui serait impliqué dans ces pratiques. En réalité, ce ne sont pas les policiers qui accompagnent ces agents, d'après les informations parvenir à la police, mais ce sont ces agents qui profiteraient des opérations de la police pour pouvoir également exiger ces cartes ou alors ces cotisations forcées. Dans tous les cas, les ordres ont été donnés depuis hier pour que d'autres cas ne se produisent plus. Et les victimes de cette pratique de la CATED disaient que c'est plutôt les agents de police qui accompagnent les employés de cette coalition pour forcer les travailleurs à adhérer à cette coalition. Ce n'est pas vrai, c'est plutôt le contraire. Les agents de CATED continuent à extorquer de l'argent aux travailleurs domestiques et aux boutiquiers, contrairement à l'ordre donné par le président de la République que l'adhésion à une association est volontaire. Qu'est-ce que la police va faire pour appliquer l'ordre du président? Toute personne qui aurait été victime de ces cotisations forcées ou alors qui aurait été obligée d'adhérer à une association et est invitée par la police à aller porter plainte, eh bien la police va mener des enquêtes et pouvoir transmettre les dossiers à la justice. Pour des cas de flagrance, comme le cas de CATED, les institutions publiques ne peuvent pas s'autosaisir pour rétablir l'ordre. Nous en appelons à témoins. S'il y a des cas de flagrance et qu'il y a une personne qui est témoin, nous l'invitons à s'adresser à la police pour que la police puisse réprimer d'autres faits infractionnels. Je vous le disais tantôt, certains citoyens de la province de Mwaro se demandent si le président de la République en exercice pourra se faire élire pour un mandat de 7 ans renouvelable, conformément au nouveau projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Burundi. Le premier vice-président de la République était en cours de campagne de sensibilisation dans cette province pour passer à l'amendement de la Constitution. Suivez l'un de ces citoyens, traduit par Alain Désiré Bouquet. Vous avez dit que le mandat présidentiel est de 7 ans renouvelable. Vous avez vu le chaos de l'année 2015, où certains disaient que le président de la République pose sa candidature pour un troisième mandat. Pourriez-vous nous expliquer, une fois la nouvelle constitution adoptée, le président en exercice sera considéré comme nouveau en considération de la constitution adoptée? Pour lever les prétextes de soulèvement, qu'en est-il des autres institutions ici des élections? C'était plutôt la traduction en français de Médard Niyonkuru. Le premier vice-président de la République considère que le projet de loi, une fois adopté, constituera une nouvelle constitution en ce qui concerne le président de la République en exercice. Gaston Sindimo dit que cette loi fondamentale sera claire. Il précise que le mandat présidentiel est de 7 ans renouvelable. Nous avons Je pense que la nouvelle constitution est claire. En plus, le nouveau projet précise que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans, un mandat renouvelable si les citoyens manifestent leur confiance au président en exercice. Il n'y a aucun prétexte de retourner dans le chaos puisque le peuple burundais est souverain. Personne ne viendra vous forcer de voter pour la nouvelle constitution. C'est pour cela qu'il est compréhensible que le président qui sera élu et tout citoyen qui en a les prérogatives. Pour dire que le président qui sera élu le sera de façon nouvelle puisqu'on aura une nouvelle constitution. Vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. La fixation des barèmes et modalités d'octroi des ordres et frais de mission officiels a été réorganisée en fin de l'année dernière. Dans un arrêté signé conjointement par les deux vice-présidents de la République, il est indiqué que l'autorisation du déplacement en province pour les membres du gouvernement est accordée par le vice-président de tutelle. La mission à l'étranger est quant à elle autorisée par le gouvernement compte tenu de son budget et ses priorités. L'arrêté clarifie également le barème suivant la position du fonctionnaire. L'élément de Elini Bel-Nibigira n'est pas encore prêt, on y reviendra. Le sac du ciment Bousséko de 50 kg coûte officiellement 22 500 francs burundais et ce prix reste inchangé. Déclaration du directeur commercial de cette usine de fabrication implantée au chef-lieu de la province de Cibitoke au nord-ouest du Burundi. C'est après que les prix du ciment Bousséko aient sensiblement augmenté sur des tailles avant la fin de l'année dernière. Il demande cependant à l'administration et à la police de sanctionner toutes les personnes qui spéculent sur le ciment. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. Le directeur commercial de l'usine Bousséko rappelle que le prix d'un sac de ciment de 50 kg qui sort des dépôts de cette usine est de 22 500 francs burundais à la vente et sur détail. Le même prix, comme le stipule la convention signée entre Bousséko et le fournisseur, indique Rodrigue Nzeimana. La radio Sanganiro s'est rendu compte que le directeur commercial de la Bousséko est au courant du fait que certains vendeurs du ciment fixent le prix comme ils le veulent. Mais il signale que Bousséko ne surveille que ses fournisseurs estimés à plus d'une centaine sur le territoire national. Rodrigue Zeyman explique que parmi ceux-là, il y a ceux qui Bousséko a déjà attrapé en flagrant délit en train de spéculer et ces derniers ont été automatiquement rayés des listes des fournisseurs. Et à la question des détaillants qui s'arrogent le pouvoir de diminuer la quantité du ciment de 50 à 40 à 45 kg par sac, ceux-là doivent être poursuivis par l'administration et les forces de sécurité. Ce cadre de la Bousséko ne nie pas que certains de leurs fournisseurs spéculent lorsqu'il y a pénurie du ciment. L'exemple le plus parlant étant celui des deux derniers mois de l'an dernier, quand cette usine a eu un problème sérieux de manque de moyens de transport des matières premières, dit-il. Ce directeur commercial de la Bousséko fait savoir que le prix du ciment Bousséko reste inchangé. Rodrigue Zeyman tranquillise que l'usine va tout faire pour qu'il n'y ait plus pénurie du ciment au cours de cette année 2018, sans oublier de travailler en étroite collaboration avec les autorités publiques pour mettre hors d'état de nuire tout spéculateur. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le manque d'enseignants spécialisés et du matériel adapté sont quelques-uns des défis rencontrés par les personnes vivant avec handicap visuel. Propos du représentant légal de l'organisation ARSAB, Association pour la réintégration des aveugles au Burundi, à l'occasion de la journée mondiale du braille célébrée habituellement le 4 janvier. Daniel Nilanyibagila demande au gouvernement de soutenir davantage les centres des personnes handicapées visuelles. Suivez Daniel Nilanyibagila au téléphone avec Léon Sendaïchemeze. La situation de la personne handicapée visuelle au Burundi. Vraiment, cette catégorie de personnes ont des problèmes au niveau d'accéder à l'éducation puisqu'ils rencontrent beaucoup de problèmes, à savoir le manque de matériel didactique adapté aux aveugles qui leur permettent de suivre leurs études. Ce matériel adapté aux aveugles ne se trouve pas ici au Burundi, raison pour laquelle cette catégorie de personnes ont beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation. Mais je remercie beaucoup le gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi a mis en place la loi permettant les personnes handicapées visuelles d'accéder à l'éducation, l'éducation inclusive. Cela a poussé les aveugles de passer le concours national ou le test de 9e année. Nous invitons le gouvernement du Burundi à continuer à appuyer cette catégorie de personnes en vue d'atteindre les objectifs du développement durable. Quel est l'appel pourriez-vous lancer à l'endroit des personnes vivant avec le handicap visuel? J'invite les personnes handicapées visuelles de ne pas se cacher chez eux, mais qu'ils viennent à l'école pour étudier comme les autres, pour apprendre des métiers qui les permettront de se prendre en charge, pour qu'ils puissent être autonomes au lieu d'aller dans la rue pour faire la mendicité. Vers le dénouement de la crise à l'église de Pentecôte de Nyanzalac en province de Makamba au sud, dans une correspondance adressée ce mercredi aux représentants de l'EPEBU, le ministère de l'Intérieur reconnaît le comité intérimaire de gestion récemment mis en place et ordonne à l'ex-premier pasteur de remettre tous les biens de l'église encore à sa disposition. Jean-Pierre Misago. La deuxième mesure de cette correspondance que Pascal Barandagué, ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, a adressée ce mercredi au représentant légal de l'Église de Pentecôte du Burundi, EPEBU en sigle, stipule que ce ministère prend acte définitif du comité de gestion de l'église de Pentecôte de Nyanzalac, présidé par pasteur Jonathan Kidebouye, appuyé par un comité de 9 pasteurs. Ce comité intérimaire a été mis en place lors d'une réunion du corps pastoral de cette église tenue le 11 décembre 2017, comme cela avait été recommandé dans une correspondance du ministre du 6 décembre dernier. Le président, avec l'appui de son comité, jouit de tous les pouvoirs de décision et d'organisation de l'église de Pentecôte de Nyanzalac, conformément aux statuts et règlements de l'église de Pentecôte du Burundi. La quatrième mesure de cette correspondance demande à l'EPEBU de mettre à la disposition de son nouveau comité tout le matériel encore en possession du pasteur Jonas Niungeko qui dirigeait cette église de Nyanzalac, et cela avant le 15 janvier courant, faute de quoi l'autorité de tutelle se réserve le droit d'utiliser des mesures contraignantes à cet effet. Dans le souci de sauvegarder la continuité du processus de réconciliation définitive engagé dans cette église, Pascal Barandagué appelle l'EPEBU à coopérer avec le ministère ayant les confessions religieuses dans ses attributions pour toute action amenée dans cette église, des visites y comprises au cours de cette période intérimaire. Jean-Pierre Misago de Nyanzalac, Radio Isanganiro. Les personnes affiliées à l'agence postale de Nyabidawa en province de Bujumbura demandent avec insistance qu'il y ait un personnel suffisant. Un seul employé est en effet affecté à cette agence postale de la commune. Les habitants de Nyabidawa disent éprouver des difficultés quand cet agent est empêché. Il n'est même pas aisé quand il est présent au service, étant obligé d'accueillir beaucoup de personnes qui font la queue devant lui et lui seul. Et puis, certaines filles qui se maquillent disent utiliser de l'eau et du savon pour se démaquiller. Mais Dr Belize Kaneza, dermatologue, conseille à toutes les personnes qui utilisent le maquillage de bien se nettoyer avec des produits démaquillants pour éviter les maladies de la peau. Reportage est signé Ali Dandaïkeza. Le maquillage nécessite certains produits cosmétiques comme les fonds de teint. Ces produits peuvent provoquer des maladies de la peau, comme l'indique Dr Belize Kaneza, dermatologue. L'utilisation de maquillage, ça peut causer chez certaines personnes l'apparition de boutons, ce qu'on appelle acné cosmétique, des irritations ou bien des réactions allergiques, ou bien même ça peut amener au vieillissement précoce de la peau. Une adepte du maquillage nous a informé qu'un produit est utilisé pour protéger sa peau. Avant de nous maquiller, on doit d'abord se laver le visage. Après, elle nous met, je dirais que c'est une lotion protectrice pour que le fond de teint qu'elle applique sur notre visage n'ait pas de contact direct avec le visage. Quand vient le moment de se démaquiller, cette jeune fille d'une vingtaine d'années dit utiliser de l'eau. Pour me démaquiller, j'utilise simplement du savon et de l'eau. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conséquences, mais je reconnais qu'il peut y avoir des conséquences pour certaines. Docteur Belize Kaneza, dermatologue, conseille à la gente féminine de bien nettoyer leur peau pour enlever ces produits cosmétiques. Il faut vraiment éviter de dormir avec ce genre de maquillage. Si vous utilisez des fonds de teint, par exemple, à base d'huile ou bien de silicone, il faut utiliser les eaux micellaires pour enlever son maquillage. Ou bien si vous utilisez les autres produits de maquillage pas à base d'huile ou de silicone, il faut utiliser des savons doux et de l'eau et vraiment nettoyer profondément donc les pores pour que ça ne se bouge pas pendant que la personne dort. Docteur Belize Kaneza informe également que les produits démaquillants peuvent être trouvés dans les pharmacies ou dans les maisons des produits cosmétiques. Merci Alida. Le collectif des associations des travailleurs domestiques rejette les accusations selon lesquelles cette organisation leur oblige d'y adhérer. Pourtant, elle continue de leur faire payer les frais d'achat des cartes dites d'identification de métier. Le président du CATED dit seulement qu'ils veulent identifier tous les travailleurs domestiques, mais Richard Manilambona ne donne pas ici d'éclaircissement sur celui qui les a mandatés pour mener ce travail. Comme on y revient, la police appelle les domestiques et toutes les personnes qui auraient été extorquées de l'argent par les agents de la coalition des associations des travailleurs domestiques, CATED, à se confier aux institutions de la police pour qu'elles les aident à récupérer l'argent. Le porte-parole de ce corps indique que depuis mercredi, cette institution a déjà émis un ordre que désormais, aucun agent de la police ne doit plus se joindre aux employés de la CATED dans leurs activités. La fixation des barèmes et modalités d'octroi des ordres et frais de mission officiels a été réorganisée en fin de l'année dernière, je vous le disais. Dans un arrêté signé conjointement par les deux vice-présidents de la République, il est indiqué que l'autorisation du déplacement en province pour un membre du gouvernement est accordée par le vice-président de tutelle. La mission à l'étranger est quant à elle autorisée par le gouvernement compte tenu de son budget et ses priorités. L'arrêté clarifie également le barème mais suivant la position du fonctionnaire. Eline Bell Nibigira. Dans cet arrêté du 28 décembre de l'année dernière 2017, ces deux vice-présidents de la République indiquent que la mission officielle d'un membre du gouvernement doit être autorisée par le vice-président de la République de tutelle si sa mission s'effectue à l'intérieur du pays. Cet arrêté exige également que les déplacements privés d'un membre du gouvernement soient informés au cabinet du vice-président de la République dont il relève. Selon le même arrêté, les missions à l'étranger sont autorisées par le gouvernement burundais tenant compte du budget disponible et ses priorités. Comme le stipule cet arrêté, avant d'avoir une autorisation d'une mission à l'étranger, le bénéficiaire doit présenter l'objet de la mission, son intérêt, les lieux où elle sera effectuée, le nom et la qualité du fonctionnaire. Si la mission est assignée à une délégation de plusieurs personnes, l'ordre de mission précise le chef de délégation. Pour une mission à l'intérieur du pays, la personne chargée de mission perçoit 70 000 pour un membre du gouvernement et personnalité ayant le rang du ministre, 50 000 pour les cadres de la direction, 40 000 pour les fonctionnaires de catégorie de collaboration et 30 000 pour les fonctionnaires de catégorie d'exécution, et cela pour une nuitée. Pour les missions à l'étranger, le fonctionnaire de l'État perçoit 350 $. Si les membres du gouvernement ou personnalité ayant rang de ministre, 300 $. Si les directeurs généraux ou un cadre de direction et 250 $ pour les autres fonctionnaires et cela aussi pour une nuitée. Cet arrêté concerne les membres du Parlement, les personnalités et agents du secteur parapublic ou privé, autres membres de forces de défense, de sécurité, lorsqu'ils sont chargés de missions officielles pour le compte du gouvernement. Merci Nibel. Quelques brèves internationales avant de clore cette édition. Pour la première fois depuis les contestations de l'opposition dans les rues en septembre, Fornia Simbe, le président togolais, s'est adressé hier mercredi aux Togolais. Un discours très attendu selon RFI dans lequel Fornia Simbe dit croire aux vertus du dialogue tout en annonçant qu'il a décidé de soumettre ses propositions de réforme au référendum. Reporter Reporters sans frontières condamne fermement l'attaque menée par des hommes armés contre la résidence du secrétaire général de l'Organisation congolaise de défense de la liberté de la presse, journaliste en danger, et demande aux autorités d'ouvrir au plus vite une enquête sur cet incident grave. Ces hommes armés se réclamant de l'Agence nationale des renseignements ont tenté à trois reprises dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017 de pénétrer dans la résidence de Chivis Chivwadi, le secrétaire général de journalistes en danger à Kinshasa, la capitale. D'après l'organisation qui est partenaire de RSF en République démocratique du Congo, l'un des gardiens a été roué de coups et menacé d'être abattu s'il ne révélait pas la localisation du responsable de GED qui s'est avéré ne pas être sur place au moment des faits. GED dénonce une tentative d'enlèvement et demande instamment aux autorités congolaises en charge de la sécurité d'ouvrir une enquête. L'ONG a également prévu de déposer plainte auprès des instances compétentes. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.